La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 2e, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset. Livre, 10e, Le culte de la trie. Chapitre 7. Les saints anges ont pour nous un amour si pur qu'ils veulent, non pas que nous les adorions, mais que nous adorions le seul vrai Dieu. Comme les esprits qui résident dans le ciel, où ils jouissent de la possession de leur Créateur, forts de sa vérité, fermes de son éternité et saints par sa grâce, comme ces esprits justement immortels et bienheureux nous aiment d'un amour plein de miséricorde, et désirent que nous soyons délivrés de notre condition de mortalité et de misère pour devenir comme eux bienheureux et immortels. Ils ne veulent pas que nos sacrifices s'adressent à eux, mais à celui dont ils savent qu'ils sont comme nous le sacrifice. Nous formons en effet avec eux une seule cité de Dieu, à qui le psalmiste adresse ces mots, « On a dit des choses glorieuses de toi, ô cité de Dieu. » Psaume 86, 3. Et de cette cité une partie est avec nous errante, et l'autre avec eux secourable. C'est de cette partie supérieure, qui n'a point d'autre loi que la volonté de Dieu, qu'est descendue, par le ministère des anges, cette écriture sainte où il est dit que celui qui sacrifiera à tout autre qu'au Seigneur sera exterminé, et cette défense a été confirmée par tant de miracles, que l'on voit assez à qui ces esprits immortels et bienheureux, qui nous souhaitent le même bonheur dont ils jouissent eux-mêmes, veulent que nous offrions nos sacrifices. Chapitre 8. Des miracles que Dieu a daigné opérer par le ministère des anges à l'appui de ses promesses, pour corroborer la foi des justes. Si je ne craignais de remonter trop haut, je rapporterais tous les anciens miracles qui furent accomplis pour attester la vérité de cette promesse faite à Abraham tant de milliers d'années avant son accomplissement, que toutes les nations seraient bénies dans sa race. Genèse 18, 18. En effet, qui n'admirerait qu'une femme stérile ait donné un fils à Abraham, Genèse 21, 2, lorsqu'elle avait passé l'âge de la fécondité, que, dans le sacrifice de ce même Abraham, une flamme descendue du ciel et courut au milieu des victimes divisées, que les anges, à qui il donna l'hospitalité comme à des voyageurs, lui aient prédit l'embrasement de Sodome et la naissance d'un fils, Genèse 18, 10 et 20. Qu'au moment où Sodome allait être consumée par le feu du ciel, ces mêmes anges aient délivré miraculeusement de cette ruine Lot, son neveu, Genèse 19, 17. Que la femme de Lot, ayant eu la curiosité de regarder derrière elle pendant sa fuite, ait été transformée en statue de sel, pour nous apprendre qu'une fois rentrée dans la voie du salut, nous ne devons rien regretter de ce que nous laissons derrière nous. Mais combien furent plus grands encore les miracles que Dieu accomplit par Moïse pour délivrer son peuple de la captivité, puisqu'il ne fut permis aux mages du Pharaon, c'est-à-dire du roi d'Égypte, de faire quelque prodige que pour rendre la victoire de Moïse plus glorieuse. Exode 7, 11. Il n'opérait, en effet, que par les charmes et les enchantements de la magie, c'est-à-dire par l'entremise des démons, aussi furent-ils aisément vaincus par Moïse, qui opérait au nom du Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, et avec l'assistance des bons anges, de sorte que les mages se trouvant sans pouvoir à la troisième plaie, Moïse emporta le nombre jusqu'à 10, figure de grand mystère, qui fléchirent enfin le cœur du Pharaon et des Égyptiens et les décidèrent à rendre aux Hébreux la liberté. Ils s'en repentirent aussitôt, et, comme ils poursuivaient les fugitifs, la mer s'ouvrit pour les Hébreux qui la passèrent à pied sec, tandis que les Égyptiens furent tous submergés par le retour des eaux. Exode 7, 8 à 12, 14. Que dirais-je de ces autres miracles du désert où éclata la puissance divine, de ces eaux dont on ne pouvait boire et qui perdirent leur amertume au contact du bois qu'on y jeta par l'ordre de Dieu, Exode 15, 25, de la manne tombante du ciel pour rassasier ce peuple affamé, Exode 16, 14. Avec cette circonstance que ce que l'on en ramassait par jour au-delà de la mesure prescrite se corrompait, excepté la veille du sabbat, où la double mesure résistait à la corruption, à cause qu'il n'était pas permis d'en recueillir le jour du sabbat. Du camp israélite couvert de cailles venues en troupe pour satisfaire ce peuple qui voulait manger de la chair et qui en mangea jusqu'au dégoût, Nombre 11, 31, 32 et 33. Des ennemis qui s'opposaient au passage de la mer Rouge des faits taillés en pièces à la prière de Moïse, qui, tenant ses bras étendus en forme de croix, sauva tous les Hébreux jusqu'au dernier, Exode 17, 11. De la terre entr'ouverte pour engloutir tout vivant des séditieux et des transfuges, et pour les faire servir d'exemple visible d'une peine invisible, Nombre 16, 32. Du rocher frappé de la verge et fournissant assez d'eau pour désaltérer une si grande multitude, Exode 17, 6. Du serpent d'airain élevé sur un mât et dont l'aspect guérissait les blessures mortelles que les serpents avaient faites aux Hébreux en punition de leurs péchés, Nombre 21, 6 et 9, afin que la mort fût détruite par la figure de la mort crucifiée, c'est ce serpent qui, après avoir été conservé longtemps en mémoire d'un événement si merveilleux, fut depuis brisé avec raison par le roi Ézéchia, parce que le peuple commençait à l'adorer comme une idole. 74, Roi 18, 4. Note. Au sujet de ce miracle, que, dans le sacrifice de ce même Abraham, une flamme descendue du ciel est courue au milieu des victimes divisées, saint Augustin s'exprime ainsi dans ses rétractations. Il ne fallait pas comprendre dans le sacrifice d'Abraham, ni citer comme un miracle, la flamme descendue du ciel entre les victimes diverses, puisque cette flamme fut simplement montrée en vision à Abraham. Voyez la Genèse 15, 17. Chapitre 9. Des incertitudes du platonicien Porphyre touchant les arts illicites et démoniaques. Ces miracles et beaucoup d'autres qu'il serait trop long de rapporter, avaient pour objet de consolider le culte du vrai Dieu et d'interdire le polythéisme. Il se faisait par une foi simple, par une pieuse confiance en Dieu, et non par les charmes et les enchantements de cette curiosité criminelle, de cet art sacrilège qu'ils appellent tantôt magie, tantôt d'un nom plus odieux, goétie, ou d'un nom moins décrié, théurgie. Car on voudrait faire une différence entre deux sortes d'opérations, et parmi les partisans des arts illicites déclarés condamnables, ceux qui pratiquent la goétie et que le vulgaire appelle magicien, tandis qu'au contraire ceux qui se bornent à la théurgie seraient dignes d'éloges. Mais la vérité est que les uns et les autres sont entraînés au culte trompeur des démons qu'ils adorent sous le nom d'anges. Note. La goétie, goetia, est, suivant Suidas et Eustathe, cette partie de la magie qui consiste à évoquer les morts, à l'aide de certains gémissements, apotongones, poussés autour de leur tombeau. Saint Augustin se sert du mot maleficus, et en effet, les magiciens et les astrologues étaient punis par les lois sous le nom de mathématici et de maleficii. Fin de la note. Porphyre promet une certaine purification de l'âme à l'aide de la théurgie, mais il ne la promet qu'en hésitant et pour ainsi dire en rougissant, et d'ailleurs il nie formellement, l'être à âne est bon, que le retour de l'âme à Dieu se puisse faire par ce chemin, de sorte qu'on le voit flotter entre les coupables secrets d'une curiosité sacrilège et les maximes de la philosophie. Tantôt en effet il nous détourne de cet art impur comme dangereux dans la pratique et prohibé par les lois, tantôt entraîné par les adeptes, il accorde que la théurgie sert à purifier une partie de l'âme, non pas, il est vrai, cette partie intellectuelle qui perçoit la vérité des choses intelligibles et absolument éloignée des sens, mais du moins cette partie spirituelle qui saisit les images sensibles. Celle-ci, suivant Porphyre, à l'aide de certaines consécrations théurgiques nommées télètes, devient propre au commerce des esprits et des anges et capable de la vision des dieux. Il convient toutefois que ces consécrations ne servent de rien pour purifier l'âme intellectuelle et la rendre apte à voir son Dieu et à contempler les existences véritables. On jugera par un tel aveu de ce que peut être cette vision théurgique où l'on ne voit rien de ce qui existe véritablement. Porphyre ajoute que l'âme, ou, pour me servir de son expression favorite, l'âme intellectuelle peut s'élever aux régions supérieures sans que la partie spirituelle ait été purifiée par aucune opération de la théurgie, et que la théurgie, en purifiant cette partie spirituelle, ne peut pas aller jusqu'à lui donner la durée immortelle de l'éternité. Enfin, tout en distinguant les anges qui habitent, suivant lui, les terres ou l'Empyrée, d'avec les démons, dont l'air est le séjour, et tout en nous conseillant de rechercher l'amitié de quelques démons, qui veuillent bien après notre mort nous soulever un peu de terre, car c'est par une autre voie que nous parvenons, suivant lui, à la société des anges, Porphyre en définitive avoue assez clairement qu'il faut éviter le commerce des démons, quand ils nous représentent l'âme tourmentée des peines de l'autre vie et maudissant le culte des démons dont elle s'est laissée charmer. Il n'a pu même s'empêcher de reconnaître que cette théurgie, par lui vantée comme nous conciliant les anges et les dieux, traite avec des puissances qui envient à l'âme sa purification ou qui favorisent la passion de ceux qui la lui envient. Il rapporte à ce sujet les plaintes de je ne sais quel chaldéen. Un homme de bien, de Chaldée, dit-il, se plaint qu'après avoir pris beaucoup de peine à purifier une âme, il n'y a pas réussi, parce qu'un autre magicien, poussé par l'envie, a lié les puissances par ses conjurations et rendu leur bonne volonté inutile. Ainsi, ajoute Porphyre, les liens formés par celui-ci, l'autre n'a pu les rompre. D'où il conclut que la théurgie sert à faire du mal comme du bien chez les dieux et chez les hommes, et, de plus, que les dieux ont aussi des passions et sont agités par ces mêmes troubles qui, suivant Apulée, sont communs aux hommes et aux démons, mais ne peuvent atteindre les dieux placés par Platon dans une région distincte et supérieure. Note. Porphyre. Un des principaux philosophes de l'école d'Alexandrie, il naquit l'an 232 de Jésus-Christ. Bien qu'on ait voulu le faire juif, il était certainement de Syrie. Son nom était Malchus, qui fut traduit en grec, tantôt par Basileus, tantôt par Porphyrios. Disciple et ami de Plotin, il recueillit et édita ses ouvrages sous le nom d'Énéade. Lui-même composa un grand nombre d'écrits, presque tous perdus. Ceux dont parle saint Augustin, dans ce chapitre et les suivants, sont la lettre à Annébon, ouvrage que nous avons conservé, le traité du retour de l'âme vers Dieu, et le fameux écrit contre les chrétiens. Nous n'avons plus ces deux derniers ouvrages. Les Télètes, Telotée, étaient certains rites magiques estimés parfaits par les adeptes. Voyez Apulée, Passim. La distinction établie par Porphyre entre la partie simplement spirituelle de l'âme et la partie intellectuelle et supérieure est déjà dans Plotin. Voyez, Énéade, 1, livre 1, chapitre 8. En général, les Alexandrins distinguent dans l'homme trois principes, premièrement le corps, deuxièmement l'âme, supérieur au corps, psyché, troisièmement l'esprit, nous, supérieur au corps et à l'âme. Chapitre 10. De la théurgie, qui permet d'opérer dans les âmes une purification trompeuse par l'invocation des démons. Voici donc qu'un philosophe platonicien, Porphyre, réputé plus savant encore qu'Apulée, nous dit que les dieux peuvent être assujettis aux passions et aux agitations des hommes par je ne sais quelle science théurgique. Nous voyons en effet que des conjurations suffisent pour les effrayer et pour les faire renoncer à la purification d'une âme, de sorte que celui qui commandait le mal a eu plus d'empire sur eux que celui qui leur commandait le bien et qui se servait pourtant du même art, qui ne reconnaît là les démons et leur imposture, à moins d'être du nombre de leurs esclaves et entièrement destitué de la grâce du véritable libérateur. Car si l'on avait affaire à des dieux bons, la purification bienveillante d'une âme triompherait sans doute de la jalousie d'un magicien malfaisant, ou si les dieux jugeaient que la purification ne fût pas méritée, au moins ne devait-il pas s'épouvanter des conjurations d'un envieux, ni être arrêté, comme le rapporte formellement Porphyre, par la crainte d'un dieu plus puissant, mais plutôt refuser ce qu'on leur demande par une libre décision. N'est-il pas étrange que ce bon chaldéen, qui désirait purifier une âme par des consécrations théurgiques, n'ait pu trouver un dieu supérieur, qui, en imprimant aux dieux subalternes une terreur plus forte, les obligea à faire le bien qu'on réclamait d'eux, ou, en les délivrant de toute crainte, leur permit de faire ce bien librement? Et toutefois l'honnête théurge manqua de recettes magiques pour purifier d'abord de cette crainte fatale les dieux qu'il invoquait comme purificateurs. Je voudrais bien savoir comment il se fait qu'il y ait un dieu plus puissant pour imprimer la terreur aux dieux subalternes, et qu'il n'y en ait pas pour les en délivrer. Est-ce donc à dire qu'il est aisé de trouver un dieu quand il s'agit non d'exaucer la bienveillance, mais l'envie, non de rassurer les dieux inférieurs, pour qu'ils fassent du bien, mais de les effrayer, pour qu'ils n'en fassent pas? Ô merveilleuse purification des âmes, sublime théurgie, qui donne à l'immonde envie plus de force qu'à la pure bienfaisance, ou plutôt détestable et dangereuse perfidie des malins esprits, dont il faut se détourner avec horreur, pour prêter l'oreille à une doctrine salutaire. Car ces belles images des anges et des dieux, qui, suivant Porphyre, apparaissent à l'âme purifiée, que sont-elles autre chose, en supposant que ces rites impurs et sacrilèges aient en effet la vertu de les faire voir, que sont-elles? Sinon ce que dit l'apôtre, c'est à savoir, Satan transformé en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, 14. C'est lui qui, pour engager les âmes dans les mystères trompeurs des faux dieux et pour les détourner du vrai culte et du vrai Dieu, seul purificateur et médecin des âmes, leur envoie ces fantômes décevants, véritables protés. Habile à revêtir toutes les formes, tour à tour persécuteur acharné et persécuteur perfide, toujours malfaisant. Virgile, Géorgique, livre 4, 411. Chapitre 11. De la lettre de Porphyre à l'Égyptien Anébon, où il le prie de l'instruire touchant les diverses espèces de démons. Porphyre a été mieux inspiré dans sa lettre à l'Égyptien Anébon, où, en ayant l'air de le consulter et de lui faire des questions, il démasque et renverse tout cet art sacrilège. Il s'y déclare ouvertement contre tous les démons, qu'il tient pour des êtres dépourvus de sagesse, attirés vers la terre par l'odeur des sacrifices, et séjournant à cause de cela, non dans les terres, mais dans l'air, au-dessous de la lune et dans le globe même de cet astre. Il n'ose pas cependant attribuer à tous les démons toutes les perfidies, malice et stupidité dont il est justement choqué. Il dit, comme les autres, qu'il y a quelques bons démons, tout en confessant que cette espèce d'être est généralement dépourvue de sagesse. Il s'étonne que les sacrifices aient l'étrange vertu non seulement d'incliner les dieux, mais de les contraindre à faire ce que veulent les hommes, et il n'est pas moins surpris qu'on mette au rang des dieux le soleil, la lune et les autres astres du ciel, qui sont des corps, puisqu'on fait consister la différence des dieux et des démons en ce point que les démons ont un corps et que les dieux n'en ont pas. Et en admettant que ces astres soient en effet des dieux, il ne peut comprendre que les uns soient bienfaisants, les autres malfaisants, ni qu'on les mette au rang des êtres incorporels, puisqu'ils ont un corps. Il demande encore avec l'accent du doute si ceux qui prédisent l'avenir et qui font des prodiges ont des âmes douées d'une puissance supérieure, ou si cette puissance leur est communiquée du dehors par de certains esprits, et il estime que cette dernière opinion est la plus plausible, parce que ces magiciens se servent de certaines pierres et de certaines herbes pour opérer des allégations, ouvrir des portes et autres effets miraculeux. C'est là, suivant Porphyre, ce qui fait croire à plusieurs qu'il existe des êtres d'un ordre supérieur, dont le propre est d'être attentif aux vœux des hommes, esprit perfide, subtil, susceptible de toutes les formes, tour à tour Dieu, démon, âme des morts. Ces êtres produisent tout ce qui arrive de bien ou de mal, du moins ce qui nous paraît tel, car ils ne concourent jamais au bien véritable, et ils ne le connaissent même pas. Toujours occupés de nuire, même dans les amusements de leurs loisirs, habiles à inventer des calomnies et à susciter des obstacles contre les amis de la vertu, vains et téméraires, séduits par la flatterie et par l'odeur des sacrifices. Voilà le tableau que nous trace Porphyre de ces esprits trompeurs et malins qui pénètrent du dehors dans les âmes et abusent nos sens pendant le sommeil et pendant la veille. Ce n'est pas qu'il parle du ton d'un homme convaincu et en son propre nom, mais en rapportant les opinions d'autrui, il n'émet ses doutes qu'avec une réserve extrême. Il était difficile en effet à ce grand philosophe, soit de connaître, soit d'attaquer résolument tout ce diabolique empire, que la dernière des bonnes femmes chrétiennes découvre sans hésiter et déteste librement. Ou peut-être craignait-il d'offenser Annébon, un des principaux ministres du culte, et les autres, admirateurs de toutes ces pratiques réputées divines et religieuses. Il poursuit cependant, et toujours par forme de question, il dévoile certains faits qui, bien considérés, ne peuvent être attribués qu'à des puissances pleines de malice et de perfidie. Il demande pourquoi, après avoir invoqué les bons esprits, on commande aux mauvais d'anéantir les volontés injustes des hommes. Pourquoi les démons n'exaucent pas les prières d'un homme qui vient d'avoir commerce avec une femme, quand ils ne se font aucun scrupule de convier les débauchés à des plaisirs incestueux? Pourquoi ils ordonnent à leurs prêtres de s'abstenir de la chair des animaux, sous prétexte d'éviter la souillure des vapeurs corporelles, quand eux-mêmes se repaissent de la vapeur des sacrifices? Pourquoi il est défendu aux initiés de toucher un cadavre, quand la plupart de leurs mystères se célèbrent avec des cadavres? Pourquoi enfin un homme sujet aux vices les plus honteux peut faire des menaces, non seulement à un démon ou à l'âme de quelque trépassé, mais au soleil et à la lune, ou à tout autre des dieux célestes qui l'intimident par de fausses terreurs pour leur arracher la vérité? Car il les menace de briser les cieux et d'autres choses pareilles, impossibles à l'homme, afin que ces dieux, effrayés comme des enfants de ces vaines et ridicules chimères, fassent ce qui leur est ordonné. Porphyre rapporte qu'un certain Chérimon, fort habile dans ses pratiques sacrées ou plutôt sacrilèges, et qui a écrit sur les mystères fameux de l'Égypte, ceux d'Isis et de son mari Osiris, attribue à ces mystères un grand pouvoir pour contraindre les dieux à exécuter les commandements humains, quand surtout le magicien les menace de divulguer les secrets de l'art et s'écrie d'une voix terrible que, s'ils n'obéissent pas, il va mettre en pièces les membres d'Osiris. Note. Ce Chérémon est un Égyptien qui avait embrassé la secte stoïcienne. Ses écrits sur la religion de l'Égypte sont mentionnés par Porphyre, traité de l'abstinence, livre 4. Fin de la note. Qu'un homme fasse aux dieux ses vaines et folles menaces, non pas à des dieux secondaires, mais aux dieux célestes, tout rayonnant de la lumière sidérale, et que ces menaces, loin d'être sans effet, forcent les dieux par la terreur et la violence à exécuter ce qui leur est prescrit, voilà ce dont Porphyre s'étonne avec raison, ou plutôt, sous le voile de la surprise et en ayant l'air de chercher la cause de phénomènes si étranges. Il donne à entendre qu'ils sont l'ouvrage de ces esprits dont il vient de décrire indirectement la nature, esprit trompeur, non par essence, comme il le croit, mais par corruption, qui feignent d'être des dieux ou des âmes de trépassés, mais qui ne feignent pas, comme il le dit, d'être des démons, car ils le sont véritablement. Quant à ces pratiques bizarres, à ces herbes, à ces animaux, à ces sons de voix, à ces figures, tantôt de pure fantaisie, tantôt tracées d'après le cours des astres, qui paraissent à Porphyre capables de susciter certaines puissances et de produire certains effets, tout cela est un jeu des démons, mystificateurs des faibles et qui font leur amusement et leur délice des erreurs des hommes. De deux choses l'une, où Porphyre est resté en effet dans le doute sur ce sujet, tout en rapportant des faits qui montrent invinciblement que tous ces prestiges sont l'œuvre, non des puissances qui nous aident à acquérir la vie bienheureuse, mais des démons séducteurs. Ou, s'il faut mieux penser d'un philosophe, Porphyre a jugé à propos de prendre ce détour avec un Égyptien attaché à ses erreurs et enflé de la grandeur de son art, dans l'espoir de le convaincre plus aisément de la vanité et du péril de cette science trompeuse, aimant mieux prendre le personnage d'un homme qui veut s'instruire et propose humblement des questions que de combattre ouvertement la superstition et d'affecter l'autorité superbe d'un docteur. Il finit sa lettre en priant Anébon de lui enseigner comment la science des Égyptiens peut conduire à la béatitude. Du reste, quant à ceux dont tout le commerce avec les dieux se réduit à obtenir leur secours pour un esclave fugitif à recouvrer, ou pour l'acquisition d'une terre, ou pour un mariage, ils déclarent sans hésiter qu'ils n'ont que la vaine apparence de la sagesse. Et alors même que les puissances évoquées pour une telle fin feraient des prédictions vraies touchant d'autres événements, du moment qu'elles n'ont rien de certain à dire aux hommes en ce qui regarde la béatitude véritable, Porphyre, loin de les reconnaître pour des dieux ou pour de bons démons, n'y voit autre chose que l'esprit séducteur ou une pure illusion. Markendanarchive.org 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.